flashback. 1-9-9-6. Quelle équipe, oh. Quelle équipe. Flashback sur pellicule. Enfin je parle de ces années. Plein de phases de gosses en plénitude. À voir nos tronches. Je me dis l'erreur est humaine, on a tous un exemple de ce genre d'énergie humaine. Flashback sur pellicule. Enfin je parle de ces années, plein de phases de gosses en plénitude. Avoir nos tronches. Je me dis l'erreur est humaine, on a tous un exemple de ce genre d'énergie humaine. Cette vidéo s'est tournée lors d'une soirée nocturne, fin 96, entre ordure et faux dur. Rachid est là, hey. Chouffe le style qu'il avait, appareil dentaire, Nastase et jean délavé. Son frère Nordine, hey. Se prenait pour un gangster, hey. Et sa seule force était celle de son grand frère. Mousse disant la zonze, jamais moi crois-moi. En deux ou trois mots, il a fait deux fois trois mois. Moi je kiffais sa sœur en scred. Mais chut, sinon Mousse mourrait au circoncis, le sgeg à la puissance 13, ouais. Tony est là, toujours en retard en cours. Son père convoqué arriva deux jours plus tard en courant. Oh là, ici là y'a le gros Slimane, ouais. Pareil qu'il fait les photos avant dans les pubs Slim Fast. Putain d'époque grave, putain d'épopée. C'est mes potes man ça et les potins restaurés. Flashback sur pellicule. Enfin je parle de ces années, plein de phases de gosses en plénitude. À voir nos tronches. Je me dis l'erreur est humaine, mais on a tous un exemple de ce genre d'énergie humaine. Flashback sur pellicule. Enfin je parle de ces années, plein de phases de gosses en plénitude. À voir nos tronches. Je me dis l'erreur est humaine, mais on a tous un exemple de ce genre d'énergie humaine. Soirée sur la murette, tout le monde répond à l'appel. Abdel et sa clique style, Dal, bonjour d'Albert. Amène la grossière, te serrer la main droite. Écrivez de la gauche toute la semaine et merde. Et ce fou Fafa, toujours le son à fond. Dehors c'est sa maison, sa casquette c'est son plafond. Crados de Nicolas, un cas social. Même sur le film on sent l'odeur de ses caleçons sales. Bizarrement sa meuf c'était une bimbo. Une petite bombe qui payait tout à ce petit con, ouais. Mon pote Franck le barbare. Son beau-père était le gendre de sa tante. Bref, Santa Barbara. Et y'a Fatou, la métisse qu'on kiffait tous. Le week-end était pour moi, la semaine était pour nous, enfoiré. Ce soiré, j'en ferai pas un roman. Quand je rembobine ma mémoire, j'en mate les bons moments. Flashback sur pellicule. Enfin je parle de ces années, plein de phases de gosses en plénitude. À voir nos tronches, je me dis l'erreur est humaine. On a tous un exemple de ce genre d'énergie humaine. Flashback sur pellicule. Enfin je parle de ces années, plein de phases de gosses en plénitude. À voir nos tronches, je me dis l'erreur est humaine. On a tous un exemple de ce genre d'énergie humaine. À voir la parka d'Eliès, c'était un soir d'hiver. La plupart de sa scolarité s'est faite en état d'ivresse. Quant à moi, j'ai toujours mal au dos. J'ai repris l'espoir, le micro et à l'occasion une Marlboro. Beaucoup d'entre nous sont rangés calmement, mais on sort rarement indemne d'une vie de garnement. À voir cette vidéo, je me dis l'erreur est humaine, mais on a tous un exemple de ce genre d'énergie humaine. Flashback sur pellicule. Enfin je parle de ces années, plein de phases de gosses en plénitude. À voir nos tronches. Je me dis l'erreur est humaine, mais on a tous un exemple de ce genre d'énergie humaine. Flashback sur pellicule. Enfin je parle de ces années, plein de phases de gosses en plénitude. À voir nos tronches. Je me dis l'erreur est humaine, on a tous un exemple de ce genre d'énergie humaine. Ouais, ok. Flashback 1996. Quelle équipe. Quelle équipe.